Enlevé de rideau, il suffit d'un regard et le bonheur de mordre aux lèvres, yeux mi-clos, donne son premier acte à notre numéro. Les désirs sont des ordres, et juste avant l'entracte, on s'embrasse à nouveau. Qui ne consent dit mot, qui ne consent dit mot. Passons au deuxième acte. La scène du dénuement éclaire d'un jour nouveau les amants, leurs ébats. Se donner en spectacle se passe de figurant. Et les acteurs honnêtes en veulent pour leur argent. Qui ne dit mot consent, qui ne dit mot consent. Au réveil, tant de mots, un qui te ferait rire sonnerait le moins faux. Qui ne consent dix mots. Dans mon dos, un sourire serait pu être pire. Tu sais comment l'on peut tuer avec les mots, jouer sans rien dire. Troisième acte.